Ta marée, mais ton cœur caoutchouc, il y a de la boue là où tu vas me quitter. Hey, si tu as le temps, choisis bien le vent. Je m'y connais vraiment, comme les marins d'avant, en bateaux échoués. Et si l'amour se prend pour un figurant d'un film mauvais, prends tes jambes et c'est tout. Je veux garder le goût de ce qu'il va rester. Hey, fais gaffe au courant, il pousse de temps en temps du mauvais côté. C'est vrai, je m'y connais vraiment, comme les oiseaux blancs se connaissent en marée. Ça n'est pas vraiment la porte à côté. Prends ta peau du mois d'août, ta couleur marabout, va donc leur montrer. Hey, tu m'as pris du sang, je n'en avais pas tant, alors c'est temps pour aimer. Tu sais c'est vrai, je m'y connais vraiment, comme les docteurs d'avant se connaissent enseigner.